La mise en onde est assurée par Dorine Ouimana, mes auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 10 septembre 2019. D'abord les grands titres. Après l'annulation de 6 projets régionaux annoncés par la Banque mondiale, le ministère burundais des Finances dit ne rien perdre. Vous entendrez Désiré Mouchalité, son porte-parole, dès le début de ce journal. Au sommaire également, c'est cette naissance de la coalition de l'opposition en exil, Sefor Arusha, un nouveau visage dans le monde politique au Burundi qui dit se ranger du côté du rétablissement de l'accord d'Arusha. Et tous les mardis, c'est devenu l'habitude, vous avez droit à la chronique santé. Aujourd'hui, on va vous parler du traitement des oreillons. Voilà pour les grands titres. Je le disais tout à l'heure, la décision d'annuler certains projets régionaux exécutés au Burundi par la Banque mondiale est consensuelle entre la Banque mondiale et différents gouvernements africains. Déclaration du porte-parole du ministère des Finances après la correspondance que cette banque a envoyée au ministre burundais des Finances pour lui notifier l'annulation de 6 projets. Désiré Mouchalitse tranquillise la population burundaise que le Burundi n'enregistre aucune perte, mais promet en outre que le Burundi ainsi que d'autres pays de l'Afrique vont élaborer de nouveaux projets de renforcement de la vision du marché commun pour l'Afrique. Suivez le porte-parole du ministère des Finances, Désiré Mouchalitse, qui s'entretient avec notre consoeur Mireille Naominitekeka. C'est une décision consensuelle d'abord parce qu'elle a été discutée entre les différents gouvernements africains et la Banque mondiale. Cette décision est liée à une nouvelle approche des nouvelles autorités de la Banque mondiale, mais aussi du leadership de nos chefs d'État africains pour matérialiser la mise en œuvre du nouveau marché commun africain. Donc, tous les nouveaux projets régionaux doivent s'orienter maintenant dans la mise en œuvre du nouveau marché commun africain. C'est pour cela que certains projets qui étaient en cours de préparation ont été suspendus. Nous attendions cette décision. Je dois préciser que ce n'est pas seulement le Burundi. J'ai bien dit que c'est une décision qui a été prise par la Banque mondiale pour toute la région Afrique, pour que les nouveaux projets puissent s'intégrer dans une nouvelle logique de matérialisation du nouveau marché commun. Je dois aussi préciser que ces projets étaient communs à notre région, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Je dois tranquilliser la population burundaise. Ces fonds qui étaient alloués à ces projets seront orientés dans de nouveaux projets, mais cette fois-ci, des projets qui viennent matérialiser le nouveau marché commun de l'Afrique. Le Burundi ne perd rien. C'est une réaffectation de ressources qui sera discutée de commun accord avec la Banque mondiale. Qu'en est-il du projet du transport sur le lac Tanganyika? Sera suspendu ou va continuer? Comme je l'ai bien dit, ce projet sera suspendu, mais cela n'empêche pas que dans nos discussions avec la Banque mondiale sur la nouvelle approche, on puisse monter un projet qui va dans son sens là, mais cette fois-ci un projet costaud qui rassemble plusieurs pays et qui entre dans la logique de la matérialisation du marché commun de l'Afrique. Désiré Mouchalitse, porte-parole du ministère des Finances. Toujours en page économie, mais cette fois-ci commerce et des acheteurs de ciment se plaignent que ce produit fabriqué au Burundi par la société Buseko est difficile à trouver ces derniers jours. Une information confirmée par certains commerçants qui avancent que la rareté du ciment est due à son approvisionnement tardif. Ses clients et ses commerçants demandent à l'entreprise Buseko de régler cette question pour faciliter leur commerce. Marie Gracia Justicia Tuiket. Dans différentes places où l'on vend du ciment, comme au quartier asiatique, tout près de l'agence BCB, le constat est qu'il y a des stands qui ne disposent pas de ciment, ou encore ceux qui en disposent n'ont que la première qualité, connue sous le nom de 42.5, qui est normalement inhabituelle et coûteuse par rapport à la deuxième qualité, 32.5, soulignent les commerçants. Ces derniers indiquent que le 42.5 coûte 30 000 francs et le 32.5, 24 500 francs beau. Ils indiquent que malgré tout ça, cette première qualité n'est pas facilement disponible sur le marché. Ils avancent qu'après la demande à la Bousséco, ils reçoivent tardivement le produit après une ou deux semaines, disent-ils. Une des clientes rencontrées à ce lieu révèle que pour avoir facilement le ciment, elle a été obligée de payer un commissionnaire pour lui indiquer où trouver la quantité voulue. Pour trouver le ciment Bousséco, c'est très difficile. J'ai circulé dans de différents magasins. Je ne sais pas ce qu'on est en train de me dire que c'est à 28 000 francs. Je ne sais pas si c'est de 32.5 ou de 42 pour combien. Donc, je ne sais rien parce que je n'ai pas encore vu. Parce qu'on t'exige de payer et on va te montrer après avoir payé. Il demande à l'entreprise Burundi Cement Company, Bousséco en sigle, de fournir plus d'efforts pour produire davantage la quantité suffisante aux clients. Merci Marie-Gracia Touikedze. À ce sujet, le ministère du Commerce demande à la société Bousséco de revoir sa distribution. Suivez le ministre Jean-Marie Niokindi. Il est ministre du Commerce. Je voudrais ici faire un clin d'œil à la société Bousséco. Vous savez, les commerçants sont des gens qui courent avec le temps. Dans ce cas, ils n'acceptent pas que leur dépôt soit vide durant une semaine ou deux. Il revient alors à la société Bousséco de revoir les fréquences de distribution. Elle doit accélérer ses fréquences pour distribuer, pour que les commerçants ne manquent pas le ciment, pour ne pas indisposer les clients. Bousséco doit avoir signé des contrats avec des grossistes. Comment se fait-il que le détaillant puisse se lamenter contre les grossistes? Si Bousséco a des contrats avec les grossistes, ce qui importe dans ce contrat, c'est le prix. Jean-Marie Niokindi, le ministre burundais du Commerce et de l'Industrie. Après une courte pause, on va passer en page politique. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. On poursuit ce journal avec la page politique. Une nouvelle coalition de l'opposition politique en exil, Sefor Arusha, vient de naître dans un communiqué rendu public ce mardi. La plateforme dit être composée de leaders des partis politiques et des personnalités acteurs de l'opposition. Ce communiqué précise que cette coalition née de la réunion de ce 9 septembre tenue en Belgique pour analyser l'état d'avancement du conflit politique au Burundi éclaté en 2015. Cette coalition affirme qu'elle s'engage à la lutte politique pour le rétablissement de l'accord d'Arusha. Elle est dirigée par Chovino Mugwengezo et son vice étant Frédéric Bamvuginyumvira. La rédaction de la radio Isanganiro essaie toujours de joindre les responsables ou les membres de cette coalition politique. Et des habitants du village de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura déplorent la pénurie d'eau potable dans cette localité. Ils expliquent que c'est pendant la nuit que l'eau coule des robinets, mais en petite quantité, ce qui fait qu'ils fassent recours aux eaux des rivières. Par conséquent, ils craignent d'attraper les maladies des mensales qui pourraient se déclarer dans cette localité et demandent que ce village soit approvisionné en eau potable et en quantité suffisante. Reportage signé Vestine Boutoui. Des robinets se trouvant dans ce village dopé situé dans la zone Maramvia de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura n'ont plus de goutte d'eau. Dans cette localité, on y voit des personnes qui transportent des bidons à vélo étant à la recherche de l'eau potable comme l'indiquent ces riverains. Une des riverains de cet endroit dit qu'il est difficile d'accéder à l'eau potable puisque même la quantité minime qu'ils reçoivent leur parvient pendant la nuit. Actuellement, elle ajoute qu'elles sont obligées d'en acheter et par conséquent, elle affirme qu'elles peuvent réutiliser l'eau déjà utilisée. Et à défaut de l'eau potable, ses habitants précisent qu'ils font recours à l'eau des puits pour faire certaines activités ménagères, entre autres la cuisson. Ses habitants craignent les maladies d'amensales qui pourraient sévir dans cette localité, entre autres les verminoses et autres. Au moment où ces riverains de la zone Maramvia, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, demandent d'être réalimentés en eau potable en quantité suffisante, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, Simeon Butoyi, fait savoir que cette pénurie d'eau est liée à la saison sèche et qu'elle prendra fin pendant la saison pluvieuse. Pour que ce problème soit définitivement résolu, Simeon Butoyi demande à la régie des eaux de canaliser l'eau jusqu'à cet endroit. Merci Vestine Boutoye, justement, continue à chercher la version de la régie des eaux à ce sujet. En page de transport, les entrepreneurs, exportateurs, surtout les importateurs sont appelés à emprunter le corridor central. Dar es Salaam, Bujumbura, cette voie, chemin de fer lac est moins cher et sécurisé par rapport à la voie routière, dit le directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire. Gérard Nyandui invite les hommes d'affaires à privilégier ce corridor fonctionnel depuis 2 ans sans peur. Suivez le directeur général de l'autorité maritime au micro de Mireille Kanyang. Depuis quelques 2 ans, le corridor central fonctionne très bien. C'est un corridor qui regroupe les pays comme le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ce corridor emprunte le chemin port de Dar es Salaam jusqu'au port de Kigoma par chemin de fer et on prend le corridor Lacus, c'est-à-dire à partir du port de Kigoma jusqu'au port de Bujumbura. Nous informons l'opinion, surtout les importateurs et les exportateurs, pour leur dire que ce corridor fonctionne. Le chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma est opérationnel il y a plus de 2 ans. Il y a des bateaux qui sont capables de transporter des marchandises en vrac et des marchandises par conteneur. Aujourd'hui, la plupart des transporteurs continuent à utiliser la voie routière. Quel est l'appel pour ceux qui craignent des accidents via ce corridor central? Cela dépend de la méconnaissance de ce tronçon chemin de fer Dar es Salaam jusqu'à Kigoma et le tronçon Lacus, c'est-à-dire le port de Kigoma jusqu'au port de Bujumbura. Certains entrepreneurs, certains importateurs et exportateurs utilisent cette voie. Les experts ont déjà démontré que le coût du transport de marchandises par conteneur de 20 pieds peut diminuer jusqu'à 1 000 $ par conteneur par rapport au coût utilisé pour transporter le même conteneur par camion et par route. Gérard Nyandui, le directeur général de l'autorité maritime. Et parlons société en bref, avant de passer à la chronique santé. 24 communes sur 119 que compte le Burundi n'ont pas encore de mutualité de santé. Cela est ressorti dans l'atelier de formation à l'endroit des leaders de certaines associations des provinces Cibitoke, Bujumbura, Bubanza et Kayanza. Au cours de cet atelier, le secrétaire permanent de la Commission nationale de protection sociale a indiqué que le Burundi projette arriver à une assurance santé obligatoire. Arkady Nimubona précise toutefois que la loi relative ne peut pas être mise en place tant que les mutualités n'ont pas encore atteint toutes les communes. Il appelle l'administration à une sensibilisation plus large pour que la population adopte de plus en plus ces mutualités de santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Les oreillons est une maladie facilement traitable et guérissable, selon le médecin pédiatre, Dr. Régis Denin-Hunz explique toutefois que le virus des oreillons peut infecter d'autres organes et puis causer différentes maladies comme la méningite au stade de complication. Il indique que le meilleur moyen de prévention contre cette maladie est la vaccination conseillée à l'âge de 9 mois. Plus de détails avec Ornella Mucho. La maladie des oreillons, qui est infantile, peut être traitée et le patient peut guérir entre 7 et 10 jours. Le pédiatre Egide Ninhunze l'explique. Il n'y a pas de traitement qu'on va dire on va donner tel médicament et le médicament va tuer le virus en question. On va juste traiter les symptômes, c'est-à-dire on va donner des médicaments pour la fièvre, ce qu'on appelle les antipyrétiques, des médicaments pour la douleur, ce qu'on appelle les antalgiques. Mais lorsque on voit que la maladie semble grave, on peut ajouter des antibiotiques pour éviter ce qu'on appelle les surinfections. Parce que cette maladie entraîne une diminution, donc je dirais, de l'immunité de l'organisme. Rarement, des complications peuvent survenir, selon toujours ce pédiatre. Cette maladie, ce qu'on appelle les oreillons, généralement, dans la plupart des cas, il n'y a pas de conséquences. La maladie peut disparaître comme ça. Mais il y a des cas où on peut trouver des conséquences néfastes. Les virus peuvent aller jusqu'à provoquer une inflammation au niveau du cerveau, ce qui peut entraîner ce qu'on appelle une méningite. Ça peut aussi entraîner d'autres problèmes qu'on appelle les encéphalites. C'est toujours une inflammation au niveau cérébral. attaquer la conséquence de la présence de ces virus au niveau de l'organisme. Cette maladie peut aussi entraîner des problèmes au niveau de certains organes du corps, comme les testicules chez les enfants de sexe masculin. Ce qu'on appelle urchite ourlienne, ça peut arriver, donc l'inflammation des testicules. Docteur Ejidene Nunze conseille aux parents de faire vacciner les enfants à l'âge de 9 mois pour prévenir la maladie des oreillons. Il est prévu un vaccin contre les oreillons à l'âge de 9 mois. L'autre moyen de prévention, c'est une bonne hygiène de vie, vivre dans la propreté, éviter beaucoup de poussière, de saleté comme ça. Tout ça, ça permet d'éviter de contracter cette maladie. Alors, le premier appel que je lance, c'est de que les parents suivent le programme élargi de vaccination nationale qui est là et qui comprend dans les prestations qu'ils donnent un vaccin contre les oreillons. Docteur Ejidene Nunze indique quelle infection du virus des oreillons donne une immunité solide et ne fait la maladie qu'une seule fois dans sa vie. Il souligne que rarement les adultes peuvent attraper cette maladie. Merci, Ornella Mocho et Sepa. C'était chronique et que nous mettons un point final à cette édition. Mais avant de vous quitter, je rappelle qu'après l'annulation de projets régionaux, 6 projets régionaux annoncés par la Banque mondiale, le ministère burundais des Finances dit ne rien perdre. Vous avez entendu Désiré Mouchalitse, son porte-parole. On vous a également parlé de la naissance de la coalition de l'opposition en exil, Sefor Arusha, un nouveau visage dans le monde politique au Burundi qui dit se ranger du côté du rétablissement de l'accord d'Arusha. Et à la fin de cette édition, vous avez entendu le docteur Egide Ninhouze, qui est pédiatre, vous rassurer que le traitement des oreillons n'est pas compliqué. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final cette édition. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Je remercie également Dorine Ouimana pour la mise en onde, Deli Nibel Nibigra GT à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.